Audiomatique. Sachez que pour amorcer cette transmission 3-5-2 d'Audiomatique, les sonoristes vous ont présenté la formation Florence and the Machine et sa chanson Between Two Lungs, tirée de son premier album Lungs, paru en 2009. C'est parfois dans la violence, la frustration et l'injustice que surgit la création artistique, comme nous le montre à l'instant l'artiste angolais Alcides Simoerc avec son projet Nazar. Ah, non! chose. Last try. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Five men on the line. 24 seconds for a sign. Last try. Nazar. 45 men on the line. 6 car convoy on the road. 25 miles to the end. Last try. Nazar. No more blood on the road. 32 wives and the children. Only one room to stay hidden. Last try. Nazar. 32 bodies stay hidden. 92 stinger to be there. Make 21 ever done. Yeah. Impact. Nazar. Yeah, but no fly zone in the area. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Last try. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. Nazar. las lunas ciegas es mi destino. À Audiomatic, nous venons d'écouter le groupe mené par la saxophoniste Nubia Garcia et sa pièce Before Us in Demerara y Caura, sur laquelle brille notamment la trompettiste Sheila Morris Gray. La pièce est tirée de l'album Source, paru en 2020, qui est le plus récent album de Nubia Garcia. Avant, c'était la formation péruvienne Nova Lima et sa pièce La Luna Ciega, se retrouvant sur l'album intitulé Karimba. Et on amorçait la séquence musicale avec le projet angolais Nazar et sa pièce Airstrike tirée du Enclave EP. C'est avec le groupe irlandais Therapy que cette transmission 352 d'Audiomatic se poursuit. Nous venons d'entendre à Audiomatique le groupe français Collection d'Arnel Andrea et la chanson Into Flowers apparaissant sur son album Exposition aux Fortes et Méandres qui est sorti en 2007. Tout juste avant, il s'agissait de la formation norvégienne Aura de Molecule et la pièce Soul Digging, extraite de leur premier album Human Safari, paru le 23 juillet dernier. Et pour débuter, le groupe irlandais Therapy nous interprétait sa composition Big Cave-In de son album Suicide Pact, You First, lancé en 1999. C'est maintenant le Québécois Pascal Asselin et son projet Millimétrique qui assure la suite d'Audiomatique. Yeah. À Audiomatic, c'était le projet canadien Deadmau5 et sa pièce intitulée Complications apparaissant sur le Random Album Title sorti en 2008. Précédemment à Deadmau5, c'était le projet millimétrique du compositeur québécois Pascal Asselin de son tout nouvel album Sun Drenched. Nous écoutions la pièce Apocalypse en el Desierto, sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse Liana. La dernière pièce de cette transmission 3-5-2 d'Audiomatic sera l'œuvre du groupe anglais Curve et s'intitule Hung Up. Cette chanson est tirée de l'album Gift, sorti en 2001. La transmission 353 d'Audiomatic sera diffusée en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h et ensuite relayée aux archives pour la postérité. Il vous sera donc possible d'y accéder en tout temps et en tout lieu, notamment sur nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Curve et la chanson Hung Up. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Hung up on romance, hung up on romance.